quand le temps est gris, dehors, qu'on s'ennuie, qu'on s'endort. Faisons des guirlandes en petites bandes. Quand on est un peu colère, sur les dents, sur les nerfs. Quand on est un peu colère, pour qu'enfin tout s'éclaire. Faisons des guirlandes, accrochons le bonheur en petites bandes de papier, de couleur. Et quand on a le cœur gros, des soucis, des bobos. Et quand on a le cœur gros, même au bord des sanglots. Faisons des guirlandes, accrochons le bonheur en petites bandes de papier, de couleur. Sur les toits, sur les murs. Petite bande de papier de couleur sur les toits, sur les murs, dans les bois, dans l'azur. Attendez, attendez, attendez. La fête, c'est ce soir. Ne nous précipitons pas. Il y a tant à faire encore. Premièrement, préparer des cookies. Ouais! Deuxièmement, mettre le couvert. Ouais! Troisièmement, se faire beau. Et belle. Quatrièmement, apprendre une chanson pour apprivoiser la lune. Ouais! Et cinquièmement, ouais! Allumer les lampions. Aïe, aïe, aïe. Vrai. Ils ne veulent jamais s'allumer, ces lampions. On n'y arrivera jamais. Commençons par le premièrement, commençons par des cookies. D'accord. Et puis on n'aura qu'à les manger tout de suite, ce sera toujours ça de fait. Ah non, ça n'est pas écrit comme ça dans mon rêve. Sortons les ustensiles. Ça c'est bien dit. Allez, pivert, au fourneau.